Iket Nunc, de la musique et des mots. Mots, bruit, et nunc, parole, écoute. Iket Nunc, performance sonore, tous les premiers et troisièmes vendredis du mois, de 21h à 22h, sur Radio Alma, 101.9 FM. Buonasera, buonasera e benvenuti a Iket Nunc, qui su Radio Alma 101.9. Continuo in francese. Bienvenue donc à Iket Nunc, émission de performance sonore sur Radio Alma 101.9 FM. Et ce soir, on va vous présenter trois personnages bruxellois qui sont... pour parler du festival, un événement qui se passera très bientôt ici à Bruxelles, à l'Espace Senghor. On est déjà au 4e festival. Et en fait, ce festival aura lieu à l'Espace Senghor du 6 au 8 mai. Et l'autre thème s'appelle... Raduno, mouvement au pluriel du Festival 4. Donc je donne la bienvenue à Gaëtan Saint-Rémy. Bonsoir. Bonsoir. Benjamin Potel. Bonsoir. Bonsoir. Et Dante Bertoni. Buonasera. Qui vient un peu de loin, un peu de partout, je crois. Oh, c'è anche Davide. C'è anche Davide. Donc, on est assez nombreux ici. On espère que vous soyez tout aussi nombreux là-bas. Les mouvements de ce Festival 4 sont nombreux. Et les trois temps, disons, que j'aimerais bien qu'on découvre ici ensemble sont tout d'abord, qu'est-ce qu'est le festival pour Maelstrom, pour Maelstrom Révolution, cette maison d'édition et autres d'ici de Bruxelles. Puis dans le festival même, quel est le mouvement du lotus, de la roue des poètes, et enfin la mouvance Maelstrom en général. Quel est le mouvement que ce Maelstrom génère autour de lui ou en lui? Donc on peut dire déjà que Maelstrom est le mouvement. Le nom de Maelstrom suggère le tourbillon, suggère le vortex, suggère le gouffre ascendant et descendant. Donc c'est déjà un principe d'énergie et de mouvement. Maelstrom est devenu l'an dernier, plus ou moins cette date en fait, entre hier et aujourd'hui, entre le 22 et le 23 avril, pile à minuit, est devenu Maelstrom Ré-Évolution. En fait, avec le décalage qu'il y a chaque année avec les planètes, c'est exactement maintenant qu'a eu lieu. C'est toujours ce moment. Maintenant. Voilà. C'est toujours ici. Maintenant qu'a lieu le moment. C'est ici et maintenant. Aïk et nunc. Exactement. Et d'ailleurs, ce qu'on entend... Serge Pey, oui. Ici, autour de nous, ce sont des enregistrements du festival de l'année passée, donc le numéro 3. Numéro 3 qui était 19 Karma Sutras. Donc nous avions travaillé à ce moment-là le centre sexuel instinctif et créatif. Cette année, nous arrivons à la quatrième étape d'un parcours, de ce rassemblement, di questo raduno. Dans raduno, il y a uno, il y a l'unité. Mot qu'on n'exprime pas, le mot rassemblement en français, hein. Et raduno, c'est une façon de réunir en un lieu, au moins une fois par an, un maximum d'âmes, de poètes et d'artistes qui nous sont proches par sensibilité et que nous pensons proches aussi de par leur travail, pour ce qu'elles ont à prodiguer dans leur performante poésie et surtout leur simplicité d'être. De faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire d'être là. En étant là, devant les gens, ils incitent à plus de présence et plus de conscience. Ce quatrième festival, qui est la quatrième étape, va nous faire rapprocher encore plus de cela, vu qu'il s'agit de résoudre le koan par excellence, hein, de tout le cosmos, donc pas seulement de l'être humain, c'est le koan du vide. Le koan, vous savez ce que c'est, hein ? C'est mieux si tu l'expliques. Gaëtan, c'est quoi un koan ? On est un peu tous des koans. On va dire que, traditionnellement, d'abord, là-bas à l'Est, au Japon, ça vient de là, hein, d'être pour les gens qui sont à l'Est. Ce sont des énigmes ou des rébus spirituels ou philosophiques dont la première réponse ou la première approche ne permet pas de les résoudre. Et c'est en allant chercher en soi, et donc dans le monde, une autre manière de voir, peut-être une manière poétique de voir les choses, de sentir les choses, de les ressentir, de les anticiper. Avec cette autre manière de voir les choses, on peut peut-être résoudre le koan. Kyotsu. Voilà. Alors, le koan du vide, on peut peut-être parler du koan du vide. Kyotsu, c'est le bâton, hein. Donc quand l'élève donne une réponse trop intellectuelle au koan qui lui est posé, il reçoit dans certaines traditions, zen pas dans toutes, un coup de bâton. C'est comme ici en fait. Chez Maelstrom, c'est comme ça, plus ou moins. Intellectuel apprend à mourir. Voilà. Et trouve exactement d'autres réponses que via mental ton intellect. Mental crève. Hein, c'est ça que disait le maître zen Eyotakata, qui habitait au Mexique à l'époque, le maître zen d'Alexandre Jodorowsky. C'était la phrase qui l'a fait entrer dans son crâne pour le faire exploser. Et je me rappellerai toujours de ce mot tendre d'Alexandro qui me disait que lorsque il était fermé émotionnellement, premier festival, il avait du mal à être dans son corps, deuxième festival, le centre moteur. Il avait donc du mal à désirer, troisième festival. Et le maître zen reçut ce koan de la part de Jodo, en disant « qu'est-ce que je dois faire ?» Et là-dessus, à part le mental crève, qui lui disait toujours, mais ça, il ne le répétait plus, il lui dit « tu n'as qu'à masser une pierre pendant 40 jours. » Je connais plusieurs qui le font. Il l'a fait. Donc il a massé un vrai rocher. Un grand-père. Hein, jusqu'à exaspérer sa sensibilité, et il a fondu en larmes à la fin. Parce qu'il s'est rendu compte de l'impossibilité de l'acte et en même temps de la naturalité de l'acte, ce que ça lui demandait de résoudre en lui. Et il a commencé à se réconcilier là avec sa mère, avec son père, avec l'affection non reçue, etc. etc. Voilà. Très bien. Donc c'est ça aussi le koan du vide. Une pierre. C'est ce qui nous amène à l'après. Parce que, comme le dit là aussi une histoire zen, qui ressemble d'ailleurs à une histoire juive, celle de l'échelle de Jacob, quand un homme qui a monté, qui a monté, qui a monté une échelle qui est très très haute, tout d'un coup se retrouve tout en haut de l'échelle. Parce qu'il y a un haut. Toute échelle peut être aussi haute que l'on veut, et à un moment donné, on arrive tout en haut. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Alors, est-ce qu'il redescend ? Est-ce qu'il continue ? Est-ce qu'il reste là ? Est-ce qu'il saute ? Alors, la réponse du koan, dans le zen, c'est « il fait alors un pas dans le vide ». Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de nommer ce Festival 4, autour du mental, de la question de l'intellect, le koan du vide. Et les autres thèmes ? Vide. Tu as déjà rappelé celui de l'année passée. Oui. C'est vraiment un cheminement, effectivement, d'étape en étape, de festival en festival. On a plusieurs, on va dire plusieurs outils, plusieurs guides. Là, on parle des dimensions de l'être. On pourrait parler du tarot aussi. On avance d'arcane en arcane. Enfin, il y a beaucoup de choses, on va dire, sous-jacentes au festival. Je dirais que la partie apparente et qui est très importante, évidemment, c'est les mots qu'on y entend, les poésies, les gens qu'on rencontre, les notes de musique, les films, les pièces de théâtre, etc. Les rencontres avant tout. Mais ce qui sous-tend tout ça, c'est quelque chose de... La question de la présence. De la présence, et donc de... Voilà, il y a quelque chose de porteur derrière ça, voilà. C'est pas juste ce qu'on peut y voir sur scène. Parce que quel que soit l'exercice de l'être sur scène, tout aussi bon soit le performeur, l'artiste, que ce soit dans son art poético, cinématico, musical ou sculptural, qu'il soit de la poésie narrative ou purement rythmique, quelle que soit sa branche en fait, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Et normalement, lui le sait. Parfois, il se ment à lui-même, souvent même. Et donc, la question à résoudre, qui est un non-Cohen, en fait, c'est comment être là. Donc, du 6 au 8 mai, c'est comment nous tous, et vous tous, vous allez être là. Comment est-ce qu'on va être là, et pas ailleurs. Comment on va être là à ce moment-là, et pas à un autre moment. Merde. Par exemple. En tout cas, l'espace Saint-Gor se situe tout à côté de la place Jourdan, donc ça c'est déjà une piste pour arriver à être là, mais bon, je suis sûre que c'est pas la seule, elle n'est pas suffisante. Alors, Benjamin, est-ce que tu voudrais nous expliquer un peu plus cette roue qui aura lieu le samedi 8 mai? C'est quoi ? Quel est ce mouvement ? Le mouvement de la roue. Le mouvement de la roue. Le mouvement de la roue se fait en deux temps. Le temps du plein et puis le temps du vide. La roue est née de la volonté de rassembler toutes ces présences en un point, peut-être en un point qui laisse la place à cette diversité. Et un point en même temps qui la nourrit. Et donc, contrairement aux autres années, on a voulu faire du moment qui était traditionnellement le moment bouclegs, le moment de la roue du lotus des poètes. Et en fait, pendant ce lotus, il y aura 12 rayons de cette roue, qui sont 12 poètes, qui mèneront le public réparti, divisé, pour mieux se rencontrer, et pour se balader dans l'espace Saint-Gor et découvrir des poètes, une quarantaine de poètes au total. Et donc cette roue, mise en branle par ses guides, tentera justement de ramener chacun à sa présence de l'autre, donner un côté plus intimiste à la rencontre et permettre aux individus en même temps d'exister et en même temps à un mouvement collectif d'exister. Et voilà, en tout cas, de par ma perception et de par ce que j'y mets dans la roue, c'est un peu comme ça que je la vois. Après, je pense que justement, la mettre en place est une occasion pour moi d'expérimenter les différentes lectures qu'il peut y avoir d'une même chose, les différentes faces qui peuvent apparaître autour d'un même acte. Si je peux ajouter quelque chose, enfin, ce que dit Benjamin me fait penser à quelque chose, c'est qu'au festival, en fait, et c'est ça aussi l'être là, c'est ce moment où on se rend compte qu'il n'y a plus non plus de différence entre les performeurs, les artistes et les spectateurs. Et le lotus, cette roue, ce moment plus intimiste dont vient de parler Benjamin, participe vraiment à ça. C'est ça, cette étape supplémentaire où à un moment, l'idée c'est que chaque spectateur se rende compte ou se rappelle à lui-même qu'il est un poète. Comme disait Nietzsche, il faut vivons poétiquement avant tout. Et donc plutôt que d'avoir uniquement des performeurs, des musiciens, des poètes sur scène, dans un espace scénique qu'il aurait réservé, des spectateurs assis, entre guillemets, sagement dans des sièges, on invite ces gens à bouger géographiquement dans l'espace et puis géographiquement dans leur tête et dans leur cœur, avec les poètes pour eux-mêmes se révéler en tant que tels. Et en fait, tous les temps principaux du festival convergent autour de cette roue et rappellent cette même idée. Si on prend le buffet, le banquet des poètes, qui est offert par les auteurs et les artistes au public, c'est la même chose. C'est plutôt que les artistes mangent dans des loges, derrière des rideaux, et le public de son côté, on mange tous ensemble. C'est normal de manger tous ensemble. C'est aussi un acte poétique. La jam propose à chacun du public de s'essayer sur scène ou ailleurs, dans le jardin, pour deux personnes ou pour trois personnes dans la file du banquet ou sur scène, à devenir aussi, à se révéler aussi en tant que poète. Donc je pense que c'est quelque chose d'important et que j'ai l'impression, du moins à Bruxelles et dans d'autres grandes villes, on ne voit pas souvent ou peut-être de plus en plus tout de même. C'est cette idée de ne pas cloisonner les choses déjà entre les différentes branches artistiques, comme le disait David, voilà, y a beaucoup, c'est très multidisciplinaire, multi-artistique, et finalement ça forme un tout, et le poète est aussi musicien, et y en a beaucoup qui endossent plusieurs casquettes différentes d'artistes, mais surtout le spectateur ne se sent pas idéalement uniquement spectateur. Les enfants qui sont invités à venir dans le cadre de l'école des pouvoirs, hein, on en reparlera plus tard j'imagine dans l'émission, vont aussi être là au moment où ils interviewent des auteurs. Et l'auteur joue le jeu de ne pas se dire « Ah ben, j'attendais des journalistes pour m'interviewer ». Non, il y a un enfant qui lors d'un atelier... Voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais c'est vraiment important. Et tout ça, cette roue va concentrer tout ça, c'est se dire les frontières, en fait, parce que là, on parle quand même du vide aussi. Les frontières n'existent pas. Quand on fait le pas dans le vide, il n'y a plus d'échelon, en fait. Il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de contact direct à la matière. C'est un pas supplémentaire par rapport au micro ouvert qu'il y a aux soirées normales, disons, de la TPN, de la troupe poétique normale. Mais là, c'est encore un effort en plus pour mener encore plus loin cette condivision. Moi, je crois que le lotus roux des poètes est de l'ordre de la catastrophe et donc de l'ordre du fameux pas dans le vide. Donc parce que la jam n'existera pas sans cette roue, en fait. Donc le fait que cette roue se déroulera permettra à ce que le reste puisse se faire, donc qu'on puisse manger, hein, et qu'on puisse après avoir le concert de Marco Parente. C'est pas pour mettre la pression, hein, mais si cette roue ne tourne pas, ça s'arrêtera là. Et par rapport à si ce lotus ne s'ouvre pas, de quelque façon que ce soit, on ne sait pas. Donc c'est vraiment, c'est l'ordre de la catastrophe et du pas dans le vide, au sens où c'est inconnu. C'est-à-dire que oui, il y a des expériences analogues qui ont déjà été faites un peu partout dans l'art contemporain, qui ressemblent à ce genre de dynamique. Mais clairement, avec des poètes au centre de ce travail, qui ne sont pas simplement dans une démonstration de leur art poétique en solo dans des coins isolés, c'est ce qu'on a déjà vu ailleurs. Voilà, une telle roue qui bouge, où il y a du vrai mouvement, du vrai lien, cela ne s'est jamais fait. Et nous ne l'avons jamais fait. Mm-hmm. Donc on la fera, enfin, on l'a déjà fait dans le futur. On l'a déjà fait le 8 mai. Mais on verra. Et pour répondre aussi à ta question, toutes les soirées TPN tendent vers ça, en fait. Je crois nous ont mené vers ça. Donc c'est vrai que quand la troupe poétique nomade se produit... à Bruxelles, Paris, Beyrouth ou ailleurs. Ce n'est peut-être pas encore la formule du lotus, mais je crois que ce lotus va exister, existe déjà ce 8 mai, parce que toutes les énergies se sont de plus en plus canalisées vers ce mouvement-là aussi, à travers les soirées troupes poétiques nomades auxquelles tu faisais allusion, et c'est vrai qui permettait déjà que cette frontière... soit boli entre spectateurs et artistes, puisqu'on va faire ça parfois dans des salons, chez les gens, parce qu'effectivement, il y a toujours une partie de jam, de micro ouvert. Mais voilà, tout ça a un sens, tout ça n'est pas arrivé comme ça, je pense. Et donc cette roue se passera bien, avec tout le monde qui vient, quoi. Donc nombreux, espérons-le. Et alors, c'est quoi ce festival pour la mouvance Maelstrom, plus en général? Bon, on a déjà vu que c'est le moment de rassemblement. Le moment clé, oui. Que devient de unité. Mais, ou alors, au contraire, quelle est la mouvance? Quelles sont les autres façons dont ce mouvement s'est exprimé dans le passé ou s'exprime maintenant? Mais le festival, d'un certain point de vue, l'art se doit de rester complètement inutile. Et en même temps, il s'agit de la discipline qui est amenée à devenir profondément utile. Donc, en même temps, l'art est inutile selon certains canons de pragmatisme de d'une partie de notre société contemporaine basée sur l'argent, sur la consommation, sur l'apparence, etc. Et l'art est éminemment utile pour nous appeler à autre chose, à une autre dimension, hein, une dimension de mieux-être, de quelque chose, l'aboutissement d'un parcours de 17 ans. Et chaque festival, c'est un peu ça. C'est à la fois l'aboutissement d'un parcours et le début d'un nouveau parcours. Hein, comme là, ce sera l'aboutissement quand même des 20 premières années légales, selon les statuts de l'association Maelstrom, donc qui est née en mai 1990. Je pense que ça va être entre le 6 et 8 mai, sûrement. Sûrement, c'est certain. Mais je pense que c'est en fait le 5 mai. Hein. Donc il y a quelque chose comme de la naissance fêtée maintenant, cette année, des 20 ans de Maelstrom, qui sera le début d'autre chose, vu que nous allons vers la cinquième essence. Et maintenant, nous allons aller vers le musicien. Nous allons faire émerger le musicien. C'est ça, la cinquième essence. Ce qu'il faut bien, hein, comme dans les doigts d'une main, il y en a normalement quatre qui sont opposés à un. Hein? Un seul est opposable et guide le reste. Hein? C'est de cette opposabilité, qui nous distingue par exemple de la plupart des mammifères ou des primates, hein, surtout des chevaux, hein, qui n'ont pas de doigts. Encore plus exemple. Des primates. Les baleines n'ont pas de doigts non plus. Non, elles n'ont plus de doigts. Elles sont cachées dans leurs nageoires. Et donc Maelstrom, c'est plein de... C'est un peu comme une baleine. C'est un peu comme une baleine, c'est-à-dire... C'est performance, c'est aussi plusieurs collections de bouquins, que ce soit romans, essais, récits, poésie. Mais c'est aussi des films, de la vidéo, c'est aussi du théâtre, c'est aussi quelque chose qui se veut tout à fait nouveau. On parle de frontières ou de non-frontières, hein, ou de territoires, lors de la deuxième édition du festival, mais il n'y a pas vraiment de territoire ou de limite au niveau générationnel, au niveau culture. Il y a pas, on se dit pas, tiens, on est à Bruxelles, on doit se limiter aux Français ou aux Néerlandais. Hein, il y a toujours beaucoup de langues. Il y a une dimension très internationale au festival. Hein. Il y a des performeurs qui viennent du Canada, des États-Unis, d'Italie, d'un peu partout. Donc voilà, c'est difficile de définir un Maelstrom, un tourbillon, parce que par définition, dans son mouvement, il emporte tout ce qu'il rencontre. Tout ce qui se pense. Voilà. Et ce qui ne prend pas la forme du Maelstrom, qui n'adhère pas quelque part, enfin adhérer, c'est un mot un peu fort, mais qui ne prend pas naturellement ce mouvement, part dans d'autres eaux. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore intégré la haute finance dans Maelstrom, par exemple, la haute finance internationale. Mais ça pourrait être. C'est à étudier, ouais. C'est à étudier, effectivement. Mais par exemple, c'est un peu comme la danse que Rumi avait créée, donc le grand poète Jalal al-Din Rumi, connu aussi comme le Mevlana, hein, qui avait donc le maître, qui a fondé l'un des ordres soufis, celui des derviches tourneurs. Cette danse du Maelstrom, je visualise très bien la danse des derviches tourneurs, par exemple, hein, qui se mettent en mouvement l'un après l'autre, à l'incitation de celui qui représente symboliquement à ce moment-là le soleil, normalement, parce que c'est la danse des planètes et en même temps des atomes. Rumi, qui disait quand même déjà en 1400 et quelques, ou en 1300 et quelques, que les atomes dansaient comme les planètes dans le ciel. Hein, il faut le faire. Un peu comme le mouvement de ce Enzo, hein, ce magnifique Enzo japonais qui était trouvé par nos graphistes. Mais par contre, pour ne pas être trop représentatif, peut-être il n'y aura pas des derviches dansant, mais il y aura plutôt du flamenco. C'est ça. Et en fait, nous avions demandé... Serge P, en fait, travaille aussi en performance avec un Français dont le nom m'échappe maintenant, qui est un derviche. Donc, il non seulement fait de la danse derviche, mais qui est un vrai derviche d'obédience soufie, etc. Mais le travail qu'il faisait actuellement était celui-ci, qui est les eaux déterrées de García Lorca, donc avec Jean Jimena en art, Juan Jiménez et Julie Brenier, qui est Julia Caldera. Et je sais leur nom parce que j'ai dû leur réserver les billets d'avion, donc j'ai dû savoir leur vrai nom. Puis il y a Chiara Mulas, qui est son vrai nom, qui est sarde, donc qui sont dans une performance le vendredi 7, après la grande soirée d'ouverture des femmes, de ces 12 voix de femmes, de ce zodiaque de femmes, avec Anne Wallman, que je viens d'avoir au téléphone juste avant d'arriver. C'est pour ça que j'étais en retard. Je lui ai passé un petit coup de fil. Très très bien, oui. On devait discuter de trois petites choses pour Paris, vu que nous faisons une petite pré-ouverture à Paris le 3 et le 4 mai. Pour une fois, Paris est un satellite de Bruxelles et pas l'inverse. Donc nous devions définir des petites choses et c'était plus simple de se parler par téléphone. Et donc le 7 mai, après ce grand zodiaque de voix de femmes qui vont nous incanter, hein, qui vont ouvrir ce festival par leurs incantations, eh bien, nous allons nous questionner profondément sur cet autre koan absolument inutile, qui est-ce que l'art est une insurrection ? Hein, la poésie est-elle un art de l'insurrection ? Alors, pour moi, la réponse, une première réponse que je viens d'obtenir il y a deux semaines, c'est en recevant le nouveau manuscrit d'Alexandre Jodorowsky, de nouveau lui, qui s'appelle Insurrection, hein, avec un Z, avec deux R, avec un K et un S, ce qui est tout à fait incorrect. Hein, c'est un texte qui travaille depuis longtemps et que j'ai commencé à traduire et où je trouvais la solution, en fait, à cette espèce de koan, et que la solution était, voilà, ce qu'il disait, c'est « Si le mot insurrection ne s'insurge pas contre lui-même, ben ce n'est qu'une petite fillette. Hein, » Donc il faut que le mot insurrection s'insurge même contre lui-même dans l'orthographe. Mm-hmm. Hein, il faudrait même graphiquement le chambouler et tout. Hein, mais là, je trouvais que c'était une belle réponse à ce koan de nouveau. Est-ce que la poésie est un art de l'insurrection ? Parce qu'on peut s'insurger contre quelque chose, ou bien incanter, ou bien proclamer, ou dire quelque chose. Et donc voilà, on verra ce que nos poètes, hein, Anne Wallman, Serge Pey, Antonio Bertoli, qui pour des raisons ou d'autres sont tous perçus ou ont été perçus dans leur histoire comme des poètes engagés, mm-hmm. hein, comme des personnes mélangeant le travail littéraire, artistique et de l'engagement politique. Donc ils sont très, qu'on connaisse un bout sur les deux, dans les deux domaines. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire dans leur être poète par rapport à cela ? Ça, je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Et ça, ce sera après la performance de Serge P et les autres. La performance. Donc le 7. Ouais, le 7 mai. On ne voit pas les expressions dans la radio. Ah, heureusement. Quand je dis la performance, je hausse un peu les sourcils de plaisir. Parce que je pense... Enfin, avec Serge P, c'est un artiste avec... Enfin, avec lequel... Tous les artistes, sans doute, mais on peut vraiment... s'attendre à tout, je pense, avec lui. Mmh. Et puis là, c'est un mélange de nouveau, voilà, de plusieurs... entre flamenco, vidéo, poésie, flamenco. Voilà, vidéo... Agneau. Insurrection. Il y aura un agneau aussi, paraît-il. Enfin, voilà, je crois qu'il faut venir voir... Enfant non admis, écoutez, oui, c'est enfant non admis, c'est vrai. Et ce n'est pas une blague. Mais juste de 20h à 21h34, hein, après, les enfants peuvent revenir. De toute façon, ils vont se coucher normalement à cette heure-là, donc... Par contre, le lendemain, ils sont bien... Bien, bienvenue. Ils sont plus qu'admis, c'est obligé. Obligé. Tout le monde devient un enfant avant de rentrer. Ah oui, de 13h31 à 19h30, ils sont obligés de venir. Parce qu'en plus, s'ils obligent surtout leurs parents à venir, ils permettent à leurs parents de ne pas payer la place. Ni la leur. Voilà. La leur est de façon gratuite, hein, parce que nous sommes là pour indiquer, quoi, quelque part, hein, indiquer l'avenir et l'envie d'appeler les enfants et les ados à s'approcher de la poésie, et quelle que soit leur extraction sociale et leur origine. Et il faut aussi que le parent qui, au moins un des deux parents qui accompagne, soit encouragé. Hein, et donc n'est pas à payer cette immense somme de 7 euros ou de 5 euros qui lui offre en plus à manger. Donc voilà, s'il veut nous faire une petite offre après, on mettrait une caisse et un chapeau. Parce que nous devons payer des voyages à New York qui ont été annulés. Donc nous aurons une petite dette. Alors, c'était une petite parenthèse. On se comprend. À propos de parenthèse, c'est pas une parenthèse du tout, mais j'aimerais bien peut-être qu'on passe à la pratique, si vous avez envie de lire quelque chose, dire... Heureusement que c'est pas l'an dernier que tu nous as dit ça. Hein. L'an dernier? Ah oui, avec les Karma Sutras, si on devait passer à la pratique. Ah, ok. Non, mais non, et je ne pensais pas au thème non plus, parce que le koan du vide, j'ai l'impression que... On peut passer au vide, hein, mais... Oui, non, je me dis ça en garde pour le 6, 7, 8 mai. Très bien. Et pour ce soir, on parle encore un peu ou on écoute. Un peu de pratique. Il y avait une petite musique de Carillon qui était sympa tout à l'heure. Une petite boîte à musique. Ouais. Ouais. Oui, je vais lire un petit truc. Un peu de pratique. Pas de Patrick. Pile à l'heure où je m'endors, soubresauts viennent réveiller mon corps. Pile à l'heure où je m'endors, soubresauts viennent réveiller mon corps, comme impossible sommeil à conquérir, alors que l'autre de moi, les yeux grands ouverts, ne saisit nulle paix du futur message de l'aurore. Jaillissent sons, images, situations. Sont-elles miennes? Sont-elles d'ailleurs? Je me souviens alors du message qui endort et brise d'un mouvement hors du lit ses chaînes. Je vois d'abord le monde tourner comme une planète, du jour à la nuit, de l'éveil au souci. Je vois noire la planète et dans l'ombre. Et mille et une lumière, ville entre lacs, chemin tracé de ciel, et puis pense, et si tout le monde s'endort, le monde se réveille mort. Je songe, homme planète, à toi, femme que j'ai aimée, et que j'aime encore, mais d'inquiétude. Que ténèbres viennent suspendre ton sort, je ne veux te voir disparaître, mais dois cependant admettre que de monde en monde, de vie en vie, nous sommes suivis. Que ne puis-je à présent soulager ta douleur d'être toi, enfin, face à toi. Je me retourne de côté et vois dans l'obscurité le rêve d'une autre femme. Elle est elle. Et avec elle se construisent des sentiers choisis. Elle est belle et elle dort. Douceur qui contraste avec cette crispation et ces muscles qui me sommeillent et qui tressautent et qui bougent, comme pour me dire « Bouge, lève-toi !» Ton jour n'est pas fini, il reste à ton éveil des choses à faire. Tu n'as rien accompli que de l'inessentiel. Cela me tanne, mais cela est vrai. J'envisage alors les possibles et mon être décide de ce qui doit être fait. Je suis là à présent, au bout de mon doigt, au bout d'une main qui écrit. Le monde tourne encore et moi je le rejoins. À présent, oui, partout est la nuit. Nul soleil pour éclairer la terre. Nous enfonçons mètre par mètre dans l'incompréhension. Je voudrais retourner ta folie comme on retourne un vase que l'on a trop rempli. Évacuer le trop de terre. L'eau en excès pour laisser en exhaler la rose. abrutis sont les peurs qui pour trop de gens se resserrent, alignées sur le monde, fais en chair pour ta pensée, qu'elle détienne alors le vrai pouvoir de la prière qui unit. Laisse et console, homme enfant, laisse parler de toi cette voix qui guérit. Elle est tienne, elle fut mienne. Dans l'embrasure d'une porte se tiennent, attendent là depuis des siècles, 400 enfants prêts à bondir pour ravager ton sol. Ils ont un nom, lumière, et une mission. Ils sauveront de toi, homme planète, homme, ce qui doit l'être. Ils sauveront pour replanter, et alors, ciel pour incendier Dieu. C'est tout. Merci. Merci. Bon, on était bien partis. Donc, il nous reste combien de temps? Il nous reste 20 minutes. On peut continuer. Vous êtes toujours là? Je parle aux gens. Ouais, oui. Ouais. Je crois que oui. Demandez-la sur le net. Moi, je dirais que oui, qu'on peut, on peut enchaîner avec un mais autre oui, texte. Mais oui, amusons-nous. Hein. Je vais faire un texte juste avant... Et je le dédie à Gaëtan. Ok, j'en me le permets. Dédié à David après, je te le permets, bien sûr. Parce qu'il est dédié à toi, justement parce qu'il n'est pas dédié à toi, évidemment. Il est dédié à toi et à Charles. Donc à toi. Et à tous les, nos amis Atikamek. Écrit là-bas au Québec. Il y a 2 ans. Indien, tu n'es pas indien. Car l'Inde que croyait atteindre l'hypocrite génois était encore bien loin. Lambeaux de terre, îles, presqu'îles, ismes et territoires, peuplés, stoppèrent net sa route, lui, néo-Christ malhabile, naïf, qui allait ouvrir de nouvelles portes à l'inquisitoire blasphème. Trois croix, portées sur voiles épaisses qui allaient dessiner plus tard la fausse image d'une, deux, puis trois Amériques. Amérindien, natif américain, tu n'es pas non plus. Amerigo Vespucci, autre empereur qui allait projeter son nom sur ton cadavre. Autochtone non plus, car personne n'est hétéroctone, ou bien tous nous le sommes, provenant d'un ailleurs d'où aujourd'hui nous résidons. Ah, que ne ferais-je pour savoir vraiment comment toi tu te nommes et comment toi tu désires me nommer? Je viens ici, cher ami, pour mieux comprendre ce que mes aïeux nommaient le rêve et les cieux du rêve, la toile où se projettent nos désirs les plus enfouis. Dis-moi, ami, homme ou femme, ou enfant d'ailleurs, vieillard, qui sommes-nous tous aujourd'hui, à l'heure où globalisation s'opère, où mondialisation resserre, l'homme qui dans l'homme au mieux s'espère? La réponse est là, mon ami, juste là. Je touche de mes doigts la terre. Elle seule s'appartient. Hôte patient, parfois prospère, qui nous apprend que par le bas nous sommes reliés. Notre corps, notre ombre, quand soleil projette, sont unis par ce sol qui avance sous nos pas, et bien avant nos pas, à la vitesse de 107 244 km à l'heure. Au-dessus, nos têtes. Elle plonge vers un ailleurs qui depuis toujours nous précède. Encore a-t-il fallu que nous nous levions et que de se lever nous fassions position stable, droite, puis marche, course, arrêt. Ami, acceptes-tu que le ciel qui nous échappe détermine avec précision du premier jour du rêve de toi par ton père et ta mère, quel chemin parcourir, quel choix poser, quel détour négocier? Je m'enfonce, homme planète, dans cela qui me fait chaque jour penser, ressentir, sentir, agir, vouloir, désirer, mourir, naître, disparaître, être. Oh. La montagne d'où j'observe est ce lieu, au milieu de toi, au centre de nos êtres. Il vit, respire, il danse. Merci. Un petit peu de Suisse dans les oreilles. On enchaîne avec J'ai vu, où on parle de Sebstigo. De Sebstigo? Non, en fait je fais une association de... Les hiboux ont des doigts, en tout cas. Et Stigo, ça veut dire hibou en espéranto. Voilà. Ok. Et en fait, au début, j'avais simplement oublié de dire qu'au début, ce qu'on a entendu, les enregistrements du Festival 3, sont... pris d'un clip vidéo qui est visible sur YouTube, qui a été réalisé justement par Sebstigo Finn. Et on le trouve sur YouTube en tapant, je crois, en fait, Festival sur voilà, y a... Maelstrom ITV, ouais. Voilà. YouTube.com, Maelstrom ITV. Il y a beaucoup d'autres clips, d'autres moments, des performances, des attentats poétiques, tout ce qui a déjà été filmé et puis ce qui sera encore filmé, qui touche de près ou de loin à Maelstrom Révolution. D'ailleurs, il y a un grand projet en chantier, j'y mets, sur le... Un film porno. Oui, avec pour des nous, poètes. Pour nous, pardon. Pour nous. Donc voilà, enfin, un film en fait qui a commencé déjà il y a quelques années, qui est un film, donc ça rejoint évidemment ce que dit David, documentaire à la base, mais qui frise en fait, on va dire, avec l'expérimental. Donc l'idée, c'est pas de faire un film qui explique ce qu'est la poésie contemporaine. Donc quand je dis un film, c'est un film, là on parle plus de clip, mais d'un film d'une heure et demie, voire deux heures, d'un long métrage. Pas un film qui parle ou qui tenterait de définir l'indéfinissable, donc ce qu'est la poésie contemporaine ou le spoken word ou le slam, etc. Mais plutôt qui se veut prendre la forme lui-même en tant que film d'une poésie ou d'une performance. Donc l'idée est plutôt de réunir des images qui nous semblent, et il y en a partout, il suffit, enfin, il faut pas être spécialement devant une scène pour voir ça, des images qui peuvent susciter de la poésie, et puis des mots, des performances, des poésies d'artistes, et de mettre en fait en relation ces images et ces sons, ces musiques, ces mots, pour essayer de faire dégager encore un autre sens de tout ça, qui sera alors le sens évidemment que le spectateur y voit. En fait, c'est concevoir un film poème plutôt qu'un film documentaire au sens strict du terme. Et c'est pour ça que voilà, ça a commencé il y a quelques années à Bruxelles, et puis au Liban, puis ça va se poursuivre à New York, et puis dans autant d'endroits dans ce monde et dans les autres, qu'il est possible de filmer en relation avec les mots. Voilà. Les dernières images devraient être filmées pour un projet qui est en train de se monter avec Martin Baquero. On nous en a parlé encore il y a 2-3 semaines. C'est donc dans la péninsule du Yucatan, sans doute en décembre 2012. Voilà, il sera prêt pour 2012 en fait, ce film, c'est certain. C'est bien. Voilà, il est en train de préparer le festival là-bas. Hein, donc... Oui, parce que les festivals, donc, quand on parlait de cette dimension internationale... Pour voyager, voilà. Voilà, chaque année, il y a 3 ou 4 villes, enfin ça va être de plus en plus le cas, qui accueillent les festivals. Bruxelles reste, le centre névralgique, en tout cas c'est d'ici que tout est parti, mais on ne se limite pas du tout à ces villes, ni même à cette ville, ni même à ce pays. Donc voilà, c'est aussi ça que montrera le film, cette troupe poétique nomade, mais nomade au sens très large du terme. Très bien. Benjamin, est-ce que tu as envie de nous raconter quelque chose? Une histoire, par exemple? Ben, Je dois dire que j'avais déjà le triangle dans la main. Pour le j'ai vu, je m'étais préparé au j'ai vu. Donc, alors, c'est on prépare les choses maintenant. Voilà, on prépare les choses et puis on parle de ce j'ai vu depuis tout à l'heure. C'est un peu comme si c'était une pierre justement qu'il faut frotter pendant 40 jours. Ouais. En fait, c'est un texte issu d'un bouclet qui s'appelle Au-delà d'ici-là. Donc on est de nouveau dans les temps-là et ces temps-là dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, qui est dédié à Dante Bertoni, tout simplement. Voilà, ça s'appelle Bruxelles pièce en acte et c'est quelques impressions, mais l'idée c'est de que chacun puisse multiplier les siennes. Donc on pourrait le lire aussi tous ensemble. Hein. Je vais commencer et puis si vous voulez en écho. Moi ça va être plus dur, mais c'est vrai que vous pouvez aller. J'attends le coup de triangle. J'ai vu des dizaines de personnes s'immobiliser durant 3 minutes sur la grande place pour arrêter la course du temps urbain. J'ai vu à la télévision des milliers de poèmes jaillir du ciel sur Gênes, puis sur le monde. Moi aussi. J'ai vu dans les transports en commun et ailleurs des centaines de livres remis en liberté afin qu'une nouvelle chance leur soit donnée. Oui. J'ai vu la vérité en mots s'implanter entre les pages figées d'une littérature devenue vaccin au sein d'immenses magasins. J'ai vu des musiciens chanter la vie dans des tramways emplis de cravates aux nœuds de pendus desséchés par la chaleur humaine. J'ai vu des échos caissiers de fast-food post-moderne griffonner des formules magiques sur des billets de banque. Fast-food. J'ai vu sur une enceinte plus haute que les barbelés du siège de l'OTAN écrit à la peinture rouge « N'en veux pas à la vie, elle ne t'en veut pas. N'en veux pas à la vie, elle ne t'en veut pas. » J'ai vu Place du Châtelain, le plus cradingue des crados, verser de l'eau bénite sur son chien en hurlant au peuple « Je suis le Baptiste, ce chien est Jésus, y a-t-il un Ponce Pilate pour s'en laver les mains ?» J'ai vu un homme au marché du midi en plein hiver offrir des caisses entières de chicon à qui lui ferait une chaleureuse accolade. J'ai vu, là où la chaussée de Wavre n'est plus qu'un ruisseau, un chaman parler à une sorcière et faire trembler les marais enfouis de la ville de leurs éclats de rire unis. J'ai vu un flibustier dans son jardin tirer au 9 mm sur des ananas pourris en criant « Tue ton ego, je est un jeu ». J'ai vu, à Laeken, une manifestation contre la mort pour que pourrissent ces vieilles querelles. J'ai vu, à Saint-Gilles, un policier se délester de son uniforme pour s'enfuir avec une tribu de sans-papiers. On ne revit aucun d'entre eux. J'ai vu, sous le pont Van Praat, des pêcheurs de carpes lancer silencieusement celles-ci sur des touristes en yacht. J'ai vu, devant le cinquantenaire, des chevaux de la gendarmerie copulaient allègrement en pleine cérémonie officielle. Dans mes souvenirs, les deux gendarmes qui les montaient firent de même. J'ai vu des nuées de fêtards transis par la pluie danser durant des heures au parc royal, alors même que la musique s'était depuis longtemps tue. J'ai vu une troupe nomade et éclectique clamer aux étoiles et à la terre qu'il y a d'autres chemins possibles, au-delà d'ici là. J'ai vu des trèfles à quatre feuilles sur des feux verts, des cœurs sur des feux rouges et des étincelles entre les deux. J'ai vu des lancers de télévision et des potagers nouveaux, des rires et des gouttes, des terrasses enflammées de mots et des moments noyés de silence et de vide. J'ai vu autant de réévolutions s'asseoir en cercle autour d'autres cercles pour chuchoter aux saisons Bruxelles pour toile de fond. J'ai vu ces mots que tu écoutes s'inscrire sur tes tympans pour que tu écrives et que tu dises à ton tour les deux prochains mots et que l'on t'aperçoive en toi, ici, là-bas, étant là, en ville, acter ceci, celle-ci. Et revoilà la Suisse. Et où le chocolat? C'est l'heure du lait. Oui, je crois aussi. C'est l'heure du lait déjà, en fait. Tu pourrais annoncer les musiques qu'on a écoutées, qu'on a entendues, ou est-ce que tu... Est-ce que je peux proposer qu'on termine avec un dernier morceau, parce qu'on a entendu un peu de loin. Donc, pour la musique, il y avait de la musique traditionnelle venue d'un peu partout dans le monde, et aussi venue de Creative Commons, donc tous ces groupes et ces artistes qui ont l'intelligence de diffuser leur musique dans un autre style de protection des droits d'auteur. Donc il y a beaucoup de possibilités, là, entre autres, c'est Creative Commons. Donc le groupe, on va avoir un dernier morceau de ce groupe qui s'appelle El Seden. Et je te laisse citer le nom du groupe. Enfin, de l'auteur. Bah, le nom du groupe, c'est tout facile. Hein. C'est LZN02. Voilà. Hell's Eden. Le dernier morceau. Les autres s'appelaient The Doll's Death Part 2 et Aeon. Donc, est-ce qu'avec ça, on va dire au revoir? Tu vas pas nous raconter... Mais disons-nous adieu. Adieu? Ben oui. Comme en Suisse. Ils disent adieu en Suisse. Là, ils sont tout à fait raisonnables. Tout moment peut être le dernier. Oui. On t'a pas bien accueilli, en fait. Ah ben, je ne sais pas ce qui... Une vache congelée va peut-être tomber dehors, hein. C'est vrai. Ça arrive souvent. Ou des baleines. Bon, tout est possible. Les baleines, venez, font, donc, c'est un peu délicat, mais... Les vaches se tombent bien. 6, 7, 8 mai, des vaches congelées et autre chose, au Festival 4 à l'Espace Sangor. C'est un vrai proverbe indien, non? Une vache congelée pourrait tomber à tout moment devant ton chemin. Hein? Ça, c'est à cause des typhons. Hein? Les tornades. Et les tornades tout en haut, la température est négative. Et donc, ça peut embarquer des chevaux, des poules, des hommes, des vaches, entre autres. Et la vache étant un animal sacré, c'est pour ça qu'on parle de vache dans ce proverbe. Et donc, une vache congelée pourrait vraiment tomber sur ton chemin. C'est un calcul de probabilité, en fait. Rien n'est prévisible, ouais. Mais c'est ouais. Tout à fait naturel. On espère qu'il n'en tombera pas trop d'ici les dates du festival. Dans le petit dernier de plein Jourdan. Et vous viendrez nombreux durant ces 3 jours. Donc, pour Fiestival, observer les vaches congelées tomber du ciel. Voilà, et puis festival, mais avec un i, donc fiesta, ouais. Et festival. C'est important de rappeler ces dimensions de fête, comme mot de la fin, je pense. On vous invite surtout à venir faire la fête avec nous, avec les poètes, les performeurs. Et voilà, et on va bien s'amuser. Et les vaches, et les baleines. Et les poules. Et le banquet des poètes. Et la roue des poètes. Et les femmes des les poètes. Les femmes des poètes. Et les femmes poètes. Les femmes poètes. Elle répète. Hein. Et l'agneau de Serge P. Et les agneaux des femmes des et poètes. Et les femmes. Bon, il faut le dire. Je pense, pense que si les auditeurs ne viennent pas après autant d'intrigues, enfin, je veux dire, ils ont. Mais c'est qu'il n'y aurait que 2 auditeurs. Ok. Mais ces 2 auditeurs viendront. Voilà. C'est intriguant, hein, tout ça. Venez rien que pour nous dire que vous ne voulez pas venir. Très bien. Donc rendez-vous à l'Espace Sangor pour nous dire que vous ne serez pas là pour le coin du vide. Au revoir et à la prochaine. Merci. De Ik Het Munk aussi, ici sur Radio Alma 101.9 FM. Merci. Merci pour l'accueil. Merci. Thank you. précisément 22h. Pas un mot, pas un cri.